صافي بارك عليك بارك عليك اوكي تحيه نضاليه صافي صافي Bonjour. Nous sommes venus aujourd'hui, malgré tous les risques, pour faire un cri à l'humanité entière, un cri à la justice. Nous voulons dire qu'on est en train de souffrir ici, dans ce pays. Hommes, femmes, enfants, nous mourons à petit feu. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge de notre existence ici depuis des années. La régularisation des sans-papiers dont la situation actuelle est nécessaire et urgente. Nous demandons aussi la libération des détenus dans les centres fermés et leur régularisation. On est des citoyens et on revendique nos droits. On en a marre d'être considérés comme des inconnus étrangers non désirés. Abandonnés par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui nous tue. Justice, liberté, papier pour tous. À leur corps défendant, un documentaire radiophonique d'Anaïs et Pauline, avec Mado, Souheil et Rabia. Double tentative de passage en force de migrants africains dans l'enclave espagnole de Melilla, l'immense barrière qui sépare l'Afrique de l'Union européenne. Hausse de l'immigration clandestine, afflux de réfugiés, risques terroristes, invasion. L'Europe doit se rendre à l'évidence et prendre conscience qu'elle vit une tentative d'invasion. Son nom dit tout, Frontex pour frontières extérieures. Cet organisme européen a été créé en 2004 pour surveiller les limites de l'Europe. Frontex est aussi chargé de coordonner l'expulsion des étrangers qui n'ont pas obtenu le droit de rester en Europe. Ce vendredi, le directeur de Frontex est à Zaventem avec Théo Franken. Nous allons être répressifs pour les gens qui abusent notre hospitalité, les criminels, les délinquants, les réfugiés économiques. Ce sont des illégaux qui sont ici que pour faire des actes criminels. Je m'appelle Rabia. Je suis militant sans papier ici en Belgique. Et je suis d'origine marocaine, Marrakech. Mon père, il travaillait dans le transport urbain de la ville, Marrakech. Et ce qui était fait, mon père, il a perdu son boulot. Ça, c'est comme si tu as sorti un poisson de l'eau, quoi. Il savait plus quoi faire, rien. Parce que toute sa vie, ça a été ça. D'un seul coup, la vie qu'on vivait avant, ça n'était plus la même. Et tu te rends compte, quoi, que c'est plus difficile qu'avant. Quand tu vois que ta maman, elle avait des trucs à la maison qu'il commence à vendre. Je sais pas ici, est-ce que ça existe encore ce métier, mais chez nous, il y a. Le monsieur qui passe à côté des maisons, il demande à acheter des trucs, t'as pas envie de la maison. Maman, il a commencé à faire ça. Il a commencé à vendre à ce monsieur des trucs. Mais je lui dis, mais pourquoi tu lui donnes ça? Il lui dit, non, je les ai vendus, j'ai pas besoin. Elle a besoin encore, mais elle a plus d'argent. Ouais, la maison, elle commence à se vider alors. Du coup, je dis, ah, c'est pas comme avant, quoi. Et ça m'a fait mal. J'ai commencé à décider de travailler, mais j'étais pas bien payé. J'avais 13 ans, 14 ans. Je travaillais minimum 10 heures. Et c'est moi qui dois ouvrir, et c'est moi qui dois tout nettoyer à la fin et tout fermer. Et c'est toujours à 22 heures de la nuit. J'habite loin et je dois aller avec ma moto, le prix d'essence. Je travaillais, mais pour moi, c'était juste... Je me fatigue pour rien. C'est pour ça, après, quand j'étais un petit peu grand, quand je voyais mon oncle qui revenait de l'Europe et qui travaillait pas longtemps, quoi. Il travaillait 16 heures normales, ou des fois même moins, ou des fois, quand il a pas de travail, il est payé quand même par l'État et tout. Moi, j'ai dit, moi, j'aimerais y aller aussi. Je veux aussi avoir un travail digne et avoir gagné pour aider cette famille. J'ai atteint une décision que je parlais avec mon père souvent, mais je ne sais pas pourquoi mon père il n'a pas voulu que je parte. Ça a été un peu difficile, même à l'aéroport. J'ai vu dans ses yeux qu'il me dit comme, je sais que tu ne vas pas revenir demain, quoi. Et voilà. En fait, mon père, c'est quelqu'un qui pleure vite. C'est, ma mère, elle peut tenir le coup, ma sœur aussi. Mais mon père, c'est wow, vite. Dans l'aéroport, il n'a pas... Je retourne comme ça, je vois, et je ne voulais pas voir le regard dernier, mais je l'ai fait parce que je ne sais pas, quelque chose qui m'a gratté le cœur. Il m'a dit « Retourne-toi », je retourne, je trouve qu'il pleurait. Et ça, c'est la dernière image quoi, que j'ai avant de monter dans l'avion, quoi. Je m'appelle Mado, j'ai 30 ans et je viens de République démocratique du Congo, précisément au site Kivu. Je suis arrivée en Belgique en 2014, mais je partais en France. Ma destination n'était pas la Belgique. Donc j'ai fait l'escale à l'aéroport, à Zaventem. C'est après que j'ai eu des soucis avec mon passeport et donc on m'a amené au centre fermé. Quand je suis arrivée au centre, il y a des gens aussi qui m'ont dit que non, moi, je partais en Allemagne, mais on m'a arrêté ici. Les autres disaient non, moi, je partais aux États-Unis, on m'a arrêté ici. Donc, chacun avait son problème et ce n'était pas juste pour moi, mais ça arrivait à beaucoup de passagers. Parce que quand je suis arrivée, je voulais acheter la carte SIM pour appeler. Puis, il a commencé à m'expliquer tout doucement que ici on est enfermé, on peut pas sortir. La personne qui était sur ton lit là et on l'a amenée hier, et l'autre ici on l'a rapatrié la fois passée. C'est comme si c'est dans des urgences quoi, tu vois. On te dit que l'autre est décédé hier, l'autre il est parti, l'autre il va mourir demain. C'est comme à l'hôpital, tu vois, quelqu'un est en train d'agoniser, de mourir, et toi, tu attends ton tour. Tu dis, lui, il va partir demain. Est-ce que moi, mon sort sera comment? J'ai commencé à pleurer. J'étais vraiment bouleversée de m'avoir retrouvée dans un endroit pareil. Et c'est comme ça que ma vie a commencé dans le centre. Allô? Allô, Souhaïl. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu m'entends bien, là? Ouais, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends très bien. Et moi, je t'entends bien. Il faut juste bien parler proche du téléphone, quoi. Mais je t'entends bien. Ça va, ok, je suis prêt, alors. Voilà, je vais me présenter. Je suis né le 21 janvier 1990 à Casablanca, au Maroc. Donc, mon numéro national belge, c'est 90-01-21-09. J'habite, en fait, avec ma femme à la rue des Corbeaux, 4610 Beynezay. Je suis venu en Belgique en 2009. J'ai fait mes études. J'ai fait un petit peu de conneries quand même. J'avais 19 ans, 20 ans. J'ai été incarcéré pour 5 mois. Je suis sorti. Et puis en 2012, je me suis fait contrôler. Donc j'étais au centre fermé Vauthain. On m'a rapatrié avec une interdiction de 5 ans. Je suis resté au Maroc de 2012 jusqu'à 2018. Je suis revenu en Belgique. J'étais content. Et puis le 28 juin, il y avait le match du Maroc contre la Côte d'Ivoire. Je me rappelle très bien, on avait gagné 2-0. Le match, il était à 21h du soir. Donc la police, elle a débarqué avant que le match finisse. Police, contrôle. Mais je savais que c'était mort parce qu'avec les policiers, il y avait une femme où c'était écrit sur sa chemise, là. C'était écrit IBZ. IBZ, ça veut dire l'Office des étrangers. Donc, je l'ai bien compris. Directement, j'ai appelé Christine. Elle est arrivée devant le café. Le policier, il est sorti, il l'a vu. Il lui a dit, écoutez, madame, d'ici 2 heures, il sera chez vous. À moi, je lui dis, écoute, Christine, il est 11h, tu travailles demain, donc 2h, je serai chez moi, j'ai les clés, vas-y, rentre, dors demain. Ben, je vais rentrer, je te réveille. À 1h, ils ont relâché le premier, à 3h, le deuxième, 4h, le quatrième. Ben, à 7h du matin, il restait que moi. Elle vient, elle me dit, monsieur, vous serez transféré à un centre en vie d'éloignement avec maintien. Moi, j'ai compris directement que c'était un centre fermé, je lui dis, mais pourquoi? Elle m'a dit, c'est la décision de l'Office des étrangers. Eh bien, imagine Anaïs, du 28 juin à 10h30, je ne suis pas encore rentré à la maison, jusqu'à aujourd'hui. Le 28 décembre, je finirai mes 6 mois ici. Donc, je ne vois pas si ça va aller jusqu'à où, en fait. L'Office des étrangers est un service migration compétent pour mettre en œuvre et appliquer la politique de migration et d'asile en Belgique. L'Office des étrangers s'assure que l'étranger respecte les règles liées à l'immigration et au séjour. L'Office des étrangers gère actuellement 5 centres fermés. La situation dans ces centres n'est pas simple, mais l'accueil est avant tout humain. Maggie de Bloch en a assez des abus. Il faut être sûr qu'on a assez de place pour ceux qui ont vraiment besoin de notre protection. Et la création de 3 nouveaux centres fermés pour les personnes en séjour illégal. Un plan qui prévoit l'extension de la capacité de ces centres de 600 à plus de 1000 places. Budget 22,5 millions d'euros. La sécurité y est assurée 365 jours par an, 24 heures sur 24. On y enfermera des enfants. Et en fait, le centre, ça ne se voit pas tellement à l'extérieur, mais c'est un centre qui grouille de vie. Les chambres étaient quasiment fermées. Et il y avait des vitres, juste des vitres, on ne pouvait pas ouvrir. Et il y avait juste un trou, un petit trou qui sortait, peut-être de l'air ou quoi, je ne sais pas. C'est comme si c'est un ventilateur qui tourne. Moi, je me disais, on respirait comment? Et après, je me disais que peut-être c'est les trous qui font du bruit qui nous aident à respirer, choses comme ça. Des fois, moi, la nuit, je mettais des coussins bien des habits pour ne pas écouter, mais du coup, tu es obligé d'écouter parce que tu écoutes tout le temps et ça tourne tout le temps dans la tête. Après, le bruit des portes aussi, parce qu'ils venaient, ils ouvraient brusquement les portes, tout le temps avec les passes là, ils faisaient tout le temps, ils tapaient les portes. Parce que dans les chambres, vous pouvez être à 6 ou à 8, donc tout le temps, ils doivent passer pour dire quelque chose, pour appeler quelqu'un, tout le temps. Sauf au milieu de la nuit, et au milieu de la nuit aussi, là, l'appareil là, commençait à tourner. Donc, on vivait la même situation tous les jours, où il faut venir, il faut sortir, il faut aller manger, on a besoin de quelqu'un, les médecins, les trucs. Donc, tout le temps, c'est du bruit, tout le temps. C'était 13 gardiens. Il y a un qui voulait en fait me faire tourner mon bras. Je suis tombé avec lui parce que moi aussi, en fait, je voulais pas qu'il me tourne mon bras. Donc, on est tombés tous les deux, en fait, avec leurs pieds, leurs mains, tous contre moi. Déjà, ils me m'ont menotté. Mais après, j'ai été jusqu'au cachot, à la cour. Donc, il faisait froid à 11h du soir. J'étais en t-shirt. Directement au cachot, il ferme. La toilette, elle est collée à l'évier. C'est tout en acier, tout en aluminium ou bien, je sais pas, en acier, quoi. Et puis, en fait, il n'y a pas de lit, en fait. Il y a le truc là en ciment. Comme un petit banc en ciment et le matelas juste au-dessus. Et ben voilà, j'ai passé vendredi, samedi, dimanche, dans le cachot, sans rien. Et dans leur tête, ils disaient, ben voilà, il va aller au Maroc, il traite s'il veut. Donc voilà, ici, ils sont un petit peu quand même racistes. Même ma femme, quand elle vient, ils sont racistes avec elle. Donc figurez-vous avec moi, un arabe. Mais franchement, je vais jamais oublier cette expérience. C'est pire que la prison, je te jure. Il n'y avait pas d'intimité aussi entre nous et les gardiens. Des fois, il faisait pom, il est déjà entré dans la chambre. Ça nous arrivait que tu es en train de t'habiller, tu fais comme ça, tu te caches parce que la personne est déjà rentrée dans la chambre et puis il fait comme s'il ne te voit pas, mais déjà, il est déjà entré dans la chambre. Et deux fois, nous, on se disait même que... Parce qu'il y avait des caméras partout. Même dans les chambres, tu voyais les caméras. Tu dis, mais est-ce qu'on me voit? On me voit comment je m'habille? On me voit comment je fais ça? Souvent, par peur, j'étais obligée d'aller dans la toilette pour m'habiller là-bas. Des fois, je me disais, peut-être ici, je vais regarder, peut-être ici, il y a des caméras, on ne me voit pas. Donc, tu as cette peur tout le temps d'être... qu'une personne te voit. Donc, on faisait attention. Surtout quand tu es une femme, tu faisais attention qu'on te trouve peut-être sans habit ou bien quelque chose comme ça. Et on faisait tout le temps attention à ça. Des gens qui sont à l'extérieur peuvent penser que c'est facile, tout, mais c'est différent c'est tout à fait différent des centres ouverts. C'est la prison, c'est la galère, c'est pas du tout facile. Et d'ailleurs, parce que moi, même si je dors, j'ai toujours, en fait, dans la tête que, voilà, ils vont venir me chercher et me rapatrier. Donc, quand j'entends une porte, c'est bon, en fait, je me sursaute. Et puis, c'est parti pour une demi-heure ou bien pour 20 minutes pour me rendormir. C'est tout le temps comme ça, et c'est pas que moi. C'est chez tout le monde, je l'ai remarqué. Bah, tout le monde, ils entendent les portes le soir, ils entendent les cris du chef, ils entendent même quand les chefs rigolent entre eux. Donc, voilà. Parce que la tête, elle n'est pas reposée. Tu n'es pas comme chez toi. Donc, tu dors, mais la tête, elle travaille. Elle est encore là. C'est pour ça. Psychiquement, c'est trop dur, je te jure. Imagine, le vendredi, on te dit, tu pars au Maroc. Le samedi, on te dit, non, tu passes au tribunal avant de partir au Maroc. Et le lundi, tu passes au tribunal. Ben, tu pars à l'aéroport, tu te prépares psychiquement pour le Maroc. Puis on vient, on te dit, non, c'est annulé. Le lendemain, ça veut dire mardi, on te dit, non, t'es libéré. Après, en fait, cinq minutes, elle me dit, non, en fait, je viens de checker ma boîte mail. Ils ont fait appel, donc tu vas rester. Si on va attendre jusqu'à ce qu'ils nous disent, en fait, c'est quand que tu repasses à la chambre d'appel, elle m'a souhaité une bonne chance. C'est un peu dur. C'est un peu dur. J'avais commencé une vie. J'ai ma femme. Elle est enceinte. D'ici 9 semaines, elle va accoucher. Si j'étais tout seul, solo, tranquille, célibataire, j'aurais pas accepté ce que je vis là, en fait. Moi, je suis chez moi au Maroc et ma fille toute seule sans père ici. C'est la seule image, en fait, qui vient. À chaque fois. Si on me renvoie au Maroc, ben non, ma fille, je ne vais jamais la quitter. Croyez-moi, d'ici 1 an, 2 ans, vous me reverrez ici. Je peux même vous rappeler si vous voulez. Avec n'importe quelle manière. Non. Si je suis seul, ouais, je peux accepter mon sort. Vous ne voulez pas de moi, ben voilà. Mais là, il y a ma fille. Alors, non, arrêtez. Là, il y a ma fille. Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais encore mes lunettes roses pour l'Europe. Je voyais vraiment, je suis là, enfin, je suis dans un pays où mes droits, ils sont protégés. Je me sentais en sécurité, même si j'étais dans la rue, imagine. J'étais dans la rue, je ne savais pas quoi faire, quoi aller, mais je dis, au moins, je suis dans un pays, voilà. Mais j'ignorais qu'il y a cette situation, que je vais galérer, je ne vais pas avoir des papiers, et du coup je serai quelqu'un qu'on me pourchasser, pour me mettre dans un centre fermé. Le mot centre fermé, je l'ignorais. Je ne savais pas qu'il y a des gens qu'on peut les enfermer juste parce qu'ils n'ont pas un document. Après, tu commences à poser des questions et dire « ouais, yeah, c'est pour nous ». Ah d'accord. Et ils nous enferment là-bas, pourquoi ? Il dit, va pour nous expulser, pour que tu retournes chez toi. Je dis, par force, oui, par force. C'est là que lunettes roses, ça commence à tomber, quoi. Je vis dans un pays qui t'appelle illégal ou clandestin, ou délinquant, ou je sais pas, on a pas notre place. Mais comme l'histoire elle a dit, on peut s'en sortir, et ça c'est mon grande espérance qui me laisse aussi continuer avec toutes les activités que je fais. J'espère vraiment peut-être je rêve, mais de déconstruire les centres fermés, qu'il n'existe plus. J'espère qu'on peut les détruire. On garde espoir, parce que sans l'espoir, il n'y a pas de vie, quoi. On est là pour vous soutenir. violence policière à l'aéroport, des femmes étouffées, des femmes à qui on arrache le voile parce qu'elles sont musulmanes, des femmes à qui on arrache leur soutien parce qu'elles sont femmes, et on les étouffe, on s'assoit sur leur tête et leur nuque. C'est pas normal! De septembre 1998, c'est la sixième tentative d'expulsion de Semira Adamou. Cette fois, la jeune femme meurt, étouffée sous la pression du coussin utilisé par des policiers, tout sourire. I was tortured in meeting yesterday by the Belgian police on Essen Brussels, please. Ça fait 17 jours que je n'ai pas mangé, j'en ai plus envie de vivre, j'ai envie de me suicider. C'est-à-dire, si je veux mourir maintenant, pour une bonne cause, pour que ça soit, que tout le monde sache ce qui se passe dans les centres. Il faut renvoyer chez eux plus de criminels qui se trouvent pour l'instant en séjour illégal en Belgique. Chaque semaine, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière sont expulsés de Belgique. La police peut utiliser la force. Les images sont chaotiques, prises au GSM. Elles montrent des passagers du vol pour Addis Abeba s'opposer à l'expulsion d'Abdou Ali, un Somalien de 19 ans. Plus de 20 ans après la mort de Semira Adamou, les conditions dans lesquelles ont lieu les rapatriements forcés continuent de poser question. Le soir, avant le coucher, à 22h, on te dit ton vol, c'est à 5h du matin. Donc, tu dois partir à 5 heures du matin. Et puis, les gardiens, ils viennent, ils te prennent avec tes affaires pour te ramener à l'aéroport même. On te menace, on te dit non, tu dois partir. Le gouvernement belge ne veut plus de toi, tu n'as rien à faire ici. Et on te montre la liste, que tu es dans la liste rouge. Et puis... Tu serres ton cœur, tu sais ce qui t'attend au pays, ou bien tu sais, tu t'es rappelé de ce que tu as vécu. Tu te défends comme tu peux, quoi. Tu te défends comme tu peux, et je me suis défendue comme je pouvais me défendre. Mais ce n'était pas facile parce que la violence, là, c'est pas trop physique, mais psychologiquement, c'est comme si on te tape. Tu peux faire même qu'on te tape que de souffrir comme ça. J'étais faible et j'avais déjà passé des jours sans manger, tout, et je n'avais plus de force. Et à cause de la peur, je faisais que la diarrhée et parce que je sentais que mes intestins bougeaient tout et la personne tout ouvre les yeux sur toi comme il veut te dévorer et tout et l'avion t'attend devant toi et c'est pas du tout facile. Et sinon, et tu dois parler, tu dois te défendre, tu dois dire. Et moi, j'avais dit aux personnes qui étaient avec moi, parce que j'étais dans un petit cellule sans chauffage, sans rien, il faisait froid. Et puis je l'avais dit, non, je préfère mourir, si tu veux, tu peux me tuer, mais je ne rentre pas chez moi. Et après, il m'a laissé encore, il revient, il part, il revient, il te dit de mots violents, et il part, il revient pour voir que tu vas changer ton avis. Et après, l'avis que je tenais à ce que je disais, et après il m'a laissé repartir. Et j'ai tenu le coup et je suis repartie au centre pour recommencer encore de tenter ma chance de résister à tout ce qu'on passe chaque jour. Ils sont venus me chercher, les gardiens. Et ils m'ont dit, soit t'as le docteur. Je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas demandé de docteur pour me dire t'as le docteur. Eh bien, ils me disent, non, c'est le docteur qui veut te voir. C'est pour un petit contrôle. Dès que je suis juste sorti de la cellule et que j'ai pris le couloir du docteur, ben, il y avait 4 chefs. Ils m'ont monté, ils m'ont dit, d'ici 6 heures, tu seras chez toi. Je te jure, il y avait un chef qui me l'a dit comme ça. Eh bien, chose dite, chose faite. Directement, j'ai été transféré à 127 bis, le centre fermé là, près de l'aéroport. Vers 14h30, j'ai toqué la porte. Le chef, il vient, ben, il m'a dit d'ici 20 minutes, 30 minutes, il prend là. Normalement, le vol, il est à 5 heures. Toi, tu seras embarqué à 3 heures et les voyageurs à 4 heures. Donc, pour que le vol, en fait, il soit fait à 5 heures. Je te jure, c'était comme ça. Mais c'était vraiment du racisme, du pur racisme, parce que t'en sûr que tu seras rapatrié. Tu vois les trucs qu'on met pour les fous, on croise leurs bras et on les enferme avec un truc, comme un gilet. C'est comme un gilet par bas, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est comme un gilet, mais tu mets tes mains comme ça croisées, et puis ils t'enferment. Et les menottes sur les pieds, et puis pour ne pas que je crie ou bien que je commence à insulter dans l'avion, c'était, en fait, ils m'ont scotché la bouche. Et c'était même pas un vol direct à Casablanca. C'était un vol avec escale. Donc, j'ai fait l'escale à Rome, donc à l'aéroport Leonardo da Vinci. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai repris. C'était, en fait, le vol Alitalia, avec Alitalia. C'était pas Royal Air Maroc. Le premier vol, il n'y avait que des Belges. Parce que c'était un vol vers l'Italie. Soit des Belges, soit des Italiens. Il y avait des gens qui rigolaient. Peut-être qu'ils vont se dire c'est un tolard ou bien c'est un criminel. Oui, ils peuvent imaginer ça. Mais au moment où en fait on a pris l'avion de l'aéroport de Rome, alors là c'était le vol vers le Maroc, donc il n'y avait que les Marocains. Et ben c'est là en fait qu'on m'a détaché. Parce que les Marocains, ils ont commencé à faire le bordel. Je te jure, je me rappelle très bien, c'était une femme, une maman avec 2 de ses petits-enfants. Ben, elle a commencé à faire le bordel. Elle leur a dit, mais il est un chien ou quoi? Il est un terroriste? Pourquoi il est comme ça? Parce que j'étais scotché devant tout le monde. Le chef, il voulait même pas. Il m'a détaché le truc comme le gilet, mais il m'a mis les menottes. Donc, je ne savais pas manger. Et c'est elle, la Marocaine, qui me donnait à manger, qui me donnait à boire. Et puis, ils m'ont passé à la police marocaine. Et puis, au Maroc, je ne sais pas, je suis resté 2 heures. 2 heures, ils m'ont relâché. Parce que je suis sorti du Maroc légalement. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de haine. J'ai vu ça dans mes propres yeux. Je crois que ça augmente maintenant. Ça augmente. Il y a un jour, peut-être, je vais recevoir une balle comme ça parce que ma tête, il ne plaît pas. Au début, j'avais pas peur. Mais petit à petit, ça commence vraiment à être chaud parce que je les ai vus en train de contrôler des gens avec des chiens. Et quand ils commencent à m'approcher vers moi, je commence à marcher dans l'autre côté, dans l'autre sens. T'as peur qu'il va te contrôler juste parce que ton visage est marocain ou africain, quoi. Tout ça, quand tu les vois vraiment devant toi, tu galères. Tu dis, ah putain, peut-être ils vont m'attraper parce que moi, j'ai pas envie de perdre tous les 8 années d'un seul coup d'arrestation dans une station de bus, quoi. Tout le temps, je suis stressé. Quand je rentre chez moi, je dors même pas. Je dors, mais je me réveille pas mal de fois dans la nuit. Du coup, j'ai pas un sommeil normal, comme tous les gens. Je commence à voir des trucs qui jouent sur ma conscience. Et je rêve de flics, je rêve d'arrestation, je rêve de centre fermé. Tout le temps, ça revient. Que voilà, peut-être un jour, je serai vraiment attaché, mettre dans un centre fermé, expulsé. Mais c'est une réalité assez dure de vivre ça parce que je dois prendre le tram et avoir peur. Pourquoi je dois toujours regarder à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas de flics autour? Pourquoi je ne marche pas normal seulement pour aller de un point A à un point B sans souffrir? Pourquoi? C'est ça la réalité. On n'est pas libre. Nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu tangu utoto wangu. Umenipenda sana, tena ukanilinda. Shukrani kwako e Bwana Mungu wangu, na kushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. En fait, c'est une chanson pour rendre grâce à Dieu. C'est une chanson pour dire merci. C'est ce qui nous donnait la force, en fait. Et des fois, on faisait aussi des jeûnes, des choses comme ça, et des témoignages aussi. On se disait, par rapport à nos dossiers, on échangeait après la prière, chacun changeait par rapport à l'autre, ce que son avocat a fait, ce qu'on l'a donné comme résultat, des choses comme ça. Et quand on a des interviews, on se dit, et l'autre va passer son interview demain, il faut prier pour lui, pour que ça se passe bien. C'est la seule chose qui nous a donné la force de résister. Et puis, on avait l'espoir, hein, on se disait qu'un jour, on va sortir, nous tous, on ne va pas nous rapatrier, mais malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que la plupart des gens, on les rapatriait, des choses comme ça. Et ouais. Je me dis que j'ai eu la chance, et tout le monde n'a pas eu la chance comme moi. J'avais déjà fait 4 mois et demi là-bas. C'est après qu'on m'a dit, écoute, toi, tu dois sortir. Et quand tu sors comme ça, c'est comme si tu as eu, je sais pas, si tu as gagné au loto, quoi. Donc, c'est la chance que tu peux avoir. Je me dis que c'est un miracle qui s'est réalisé dans ma vie. Et puis, je suis sortie comme ça et je ne savais pas là où partir, là où me diriger. Et puis, quand je suis sortie, et ils m'avaient donné juste 20 euros. Et donc, j'ai payé juste le train qui m'a laissé à la gare. J'étais toute seule comme ça. Je me disais, je vais aller où? Je vais dormir où? Je me suis retrouvée sans domicile. Et après, j'étais obligée de vivre une situation comme un sans-abri et aller dans le foyer d'accueil pour voir si je peux trouver là où vivre. Et du coup, quand je faisais tout ça, et j'ai eu connaissance avec une personne, le papa de ma fille, lui aussi avec ma situation. Donc, des fois, il me disait, viens dormir chez moi. Et puis, j'étais obligée que... Donc, quand un homme te dit, viens dormir avec lui, des fois, je suis obligée d'accepter tout ce qu'il doit me dire. Et du coup, je me suis retrouvée enceinte. J'étais quand même contente d'être libre, enfin d'être libérée. Rosalie, canadienne, centre fermé caricole de Steno-Kerzel, expulsée. Eddie, chilien, centre fermé de Votem, libéré. Ala, gazaoui, centre fermé 127 bis de Steno-Kerzel, libéré. Fatia, marocaine, centre fermé de Holzbeek, expulsée. Roger, congolais, centre fermé de Votem, retrouvé mort dans sa cellule. Eugène, togolais, centre fermé de Votem, expulsé. Anouar, éthiopien, centre fermé de Merksplas, expulsé. Jacqueline, congolaise, centre fermé de Holzbeek, expulsé. Djebré, érythréen, centre fermé de Votem, retrouvé mort dans sa cellule. Valine, jamaïcain, centre fermé caricole de Steno-Kerzel, évadé. Vincent, congolais, centre fermé de Votem, libéré. Semira, nigériane, centre fermé 127 bis de Steno-Kerzel, morte étouffée par la police. Ali, algérien, centre fermé de Merksplas, libéré. Goran, kurde, centre fermé de Bruges, libéré. Ebenitzer, camerounais, centre fermé de Merksplas, retrouvé mort dans sa cellule. Karim, marocain, centre fermé de Merksplas, expulsé. Malika, marocaine, centre fermé de Holzbeek, expulsé. Kelvin, nigérian, centre fermé de Bruges, libéré. Ben Amar, marocain, centre fermé de Merksplas, retrouvé mort dans sa cellule. Ragab, égyptien, centre fermé de Merksplas, libéré. Mado, congolaise, centre fermé de Bruges, libéré. Souheil, marocain, centre fermé de Merksplas, expulsé. Oinad, nigérian, centre fermé 127 bis de Steno-Kerzel, évadé. Il y a une ambiance là-bas qui me manque un peu, tu vois. Des fois même quand je dors encore, j'entends que ma mère elle est à la cuisine, elle allume la radio avec des chansons marocaines. Parce qu'elle adore la radio, elle m'a donné ce virus, moi jusqu'à maintenant j'aime écouter la radio le matin. pour prendre un petit déj ou quoi. Elle fait ça quand elle cuisine. Je sens des fois que je suis là-bas, quoi. Quand je vois une vidéo ou quand on fait un live et je vois ma mère avec le thé et la fenêtre qui est ouverte sur notre quartier, tu vois même des fois des gens qui passent en bas que je reconnais, c'est des voisins et tout. Et ça, je sens comme si je suis avec eux pour quelques moments. J'oublie que je suis à Bruxelles, mais c'est juste pour quelques minutes. Juste quand tu coupes et tu reviens à la réalité, là, je sens vraiment, j'ai envie d'aller les voir. S'il te plaît, mon père, ne me laisse pas. S'il te plaît, mon père, ne m'oublie pas. Oui, mon père, les vagues, ils sont folles. L'eau, elle est fou. Le sol, elle est loin. Mon cri, il est devenu plus fort. Tu m'entends plus. C'est quelqu'un qui essaye de venir en Europe, mais ça s'est mal passé. Et du coup, le cri, il est loin et vous m'entendez plus. Mes souffrances et mes peines, ils ont transformé mon verre dans un verre amer. J'ai plus le sommeil et j'ai oublié la vie des gens libres. À leur corps défendant. Un documentaire radiophonique d'Anaïs et Pauline. Avec Mado, Souheil et Rabia. À la création sonore, Cyril et Alice. Au mixage, Maxime. Et pour la musique de fin, Gilles Gilala et Nassel Riwan. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle et de Contre-ciel ASBL. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Atelier de création sonore et radiophonique et de l'Atelier Grafoui. Merci à Nadège, Arthur, Caroline et Chloé. Merci aussi à Radio Panique et ZinTV. Merci enfin au collectif Getting the Voice Out, CRER, CRACP, CLAC et toutes celles et ceux qui luttent contre les lieux d'enfermement. Donc maintenant, nous allons passer à l'agenda. Donc il y a beaucoup de choses dans l'agenda. Donc le 20 avril, à partir du 20 avril jusqu'au 23 avril, il y aura une des jours de rencontres qui sont organisés par Still Standing for Culture et qui s'appelle Au travail, l'intermittence en question. Alors, au moment où la vie reprend son cours et l'activité reconquiert sa frénésie d'avant-crise, le monde du travail flotte encore, groggy des secousses de la pandémie. Si nous voulons faire de cette crise l'occasion d'affronter les inégalités de notre système, recréons des lignes de force, des terrains communs entre les secteurs jugés non essentiels et ceux de première ligne, pourtant mal considérés. En partant de la définition du mot « travail » et d'expérience de terrain, nous voulons questionner le principe d'utilité sociale, le rôle des services publics et la production des valeurs sociétales aujourd'hui. Alors, Still Standing for Culture vous propose 4 jours de rencontres, théâtre, film, performances et discussions pour imaginer la transformation de notre société à partir du prisme du travail et de ses intermittences, tantôt précaires, invisibilisées, subordonnées, tantôt émancipatrices, nourrissantes, créatives, innovatrices ou libératrices. Alors, ces rencontres ont lieu donc du mercredi 20 avril au samedi 23 avril de 15h à 23h à la Maison des Cultures de Saint-Gilles à Bruxelles. Alors, l'entrée est gratuite et est en accès libre, à l'exception du spectacle qui est à 10 euros et des projections qui sont prix libre pour lesquelles les réservations sont souhaitées. Alors, ces rencontres sont faites en partenariat avec la Maison des Cultures de Saint-Gilles, Éconosphère et Zine TV, avec le soutien de la Fondation Mycélium, de la COCOF et de la Commune de Saint-Gilles. Donc voilà, et la Maison des Cultures de Saint-Gilles se situe au 120 rue Belgrade à Saint-Gilles. Donc c'est du 20 au 23 avril prochain. Alors, dans le cadre, effectivement, de ces rencontres, il y aura l'avant-première d'un film sur 2 jours, le 21 et le 22 avril à 20h. Donc, il y aura une projection d'un documentaire qui s'appelle « Livrer bataille ». Et donc, c'est un documentaire de Zine TV qui revient sur la bataille des coursiers employés de manière extrêmement précaire par des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats. Alors, ce film pose la question suivante. Comment s'organiser face au capitalisme des plateformes? La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Maxime Kouvaras et d'autres invités directement impliqués dans ces luttes. Elle a lieu dans le cadre des rencontres donc au travail de l'intermittence en question, organisée par Still Standing for Culture à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. Donc, les projections se feront donc le jeudi 21 avril et le vendredi 22 avril à 20h, donc toujours à la Maison des Cultures rue de Belgrade à 120 1060 Saint-Gilles. Le prix est libre. Alors, pour réserver, il faut écrire, il y a un mail qui est contact@zintv.org. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur le site de Zine TV. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le 22, le 23 et le 24 avril 2022, il y a des journées d'action pour l'abolition de Frontex. Alors, en mai, la Suisse aura l'occasion unique de dire oui à la liberté de circulation pour tous, et non à Frontex. Le Parlement suisse a décidé de renforcer l'Agence européenne de protection des frontières Frontex avec 61 millions de francs suisses par an. Mais des militants ont recueilli 50 000 signatures pour un référendum qui aura lieu le 15 mai. Si vous voulez avoir des informations sur ce référendum, il y a un site qui est frontex-referendum.ch/en/. En cas de succès, le référendum pourrait faire de la Suisse le premier pays européen à arrêter de financer activement Frontex. En raison de l'acquis de Schengen, il est même probable que la Suisse se retire complètement de Frontex. Lors des prochaines journées d'action d'abolir Frontex, donc, nous voulons mettre en évidence que le sujet ne concerne pas seulement la Suisse. Nous vous invitons donc à organiser des actions contre Frontex et le régime frontalier meurtrier de l'Europe. Tous les types d'actions sont les bienvenus, mais notre idée est de montrer la solidarité avec ce qu'il se passe en Suisse et de souligner comment votre pays contribue à Frontex. Cela peut être des avions, du personnel, des armes, des navires, de l'argent ou plus encore. Si vous avez besoin d'aide pour savoir quelles sont les contributions nationales de votre pays, vous pouvez contacter le groupe de recherche. Alors c'est Research, R-E-S-E-A-R-C-H, @abolishfrontex.org. Alors les dates des journées d'action ont également une signification symbolique, car le 22 avril 2021, 130 personnes se sont noyées dans la mer Méditerranée. Alors malgré le fait que Alarmphone ait appelé les autorités à l'aide pendant 10 heures et qu'un avion de Frontex les ait survolés, observant leur souffrance. Ces personnes auraient pu être secourues, mais l'UE les a sciemment laissées mourir en mer. Nous avons besoin de mécanismes de recherche et de sauvetage efficaces au lieu d'une agence frontalière meurtrière. Donc, si vous voulez participer, donc, il y a plusieurs actions. Il y a faire des affiches, des dépliants, informer les gens sur la contribution de votre pays à Frontex, sur les problèmes que pose cette agence européenne, organiser une manifestation devant les ambassades ou les consulats, organiser une manifestation devant des bâtiments gouvernementaux pour protester contre la contribution de votre pays à Frontex, organiser une action dans un lieu lié à la contribution de votre pays à Frontex, organiser une manifestation ou un rassemblement pour informer les gens sur le référendum suisse et demander la mise en place de processus similaires pour mettre fin à la participation de votre pays à Frontex, écrivez des lettres ou des courriels en masse aux autorités nationales, par exemple les membres du Parlement, pour les informer de l'implication de Frontex dans les violations des droits de l'homme et exiger la fin du soutien de votre pays à Frontex. Alors il y a aussi d'autres idées d'actions et une liste des sites Frontex que vous pouvez trouver sur le site de abolishfrontex.org. Voilà, ça c'est pour le 22, 23 et 24 avril prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le 23 avril, rue du Monténégro 144, au Monténégro Lab, c'est à Forêt, de 9h30 à 22h, il y a une journée de rencontre anticapitaliste, écosocialisme 2022. Alors, c'est une journée de rencontre, donc anticapitaliste, de rencontre anticapitaliste de printemps, avec les activistes du climat et les féministes, les antiracistes et les syndicalistes, et toutes les personnes qui veulent changer ce monde parce qu'il le faut. Alors, il y aura une série d'invités qui sera accueillie, tels que Michel Urban, député européen d'Anticapitalistas à l'État espagnol, Pauline Salingue, porte-parole de la campagne présidentielle de Philippe Poutou, NPA France, Valeria Subatenko, militante féministe de gauche ukrainienne, Joëlle Sambi, poétesse, slameuse et militante lesbienne antiraciste, des militantes de la Ligue des travailleuses domestiques sans papier, ainsi que Daniel Tanouro, auteur et militant écosocialiste révolutionnaire. Alors, il y aura également des ateliers en français, en néerlandais ou bilingue, une plénière et un meeting de solidarité internationaliste. Alors, cet événement est organisé donc par la gauche anticapitaliste, SAP Anticapitalisten, Anticapitalisten, la formation Le Seuil et Ernest Mandelfond. Donc, ça se situe, c'est donc le 23 avril. Donc, c'est au 144 rue du Monténégro à 1190 Forêt, de 9h30 à 22h. Ok. Alors, Vridaxi va organiser des formations à l'action le 23 avril à Bruxelles et le 21 mai à Gand. Alors, il faut s'inscrire sur Vridaxi, vredesactie.be, Axi Trainingen, donc c'est ACTIETRAININGEN. Voilà, donc le 23 avril, c'est à Saint-Jos, de 10h à 17h. Et le 21 mai, c'est de 10h à 17h également à Gand. Voilà, donc je pense que vous trouverez les adresses exactes sur le site de Vibretaxi. Voilà. Alors, ensuite, il y a tout plein d'actions pour la libération de Julien Assange. Alors, le 23 avril, sur la place de la Monnaie à Bruxelles, aura lieu donc un Free Assange Concert et un rassemblement européen qui permettra aux citoyens européens d'exprimer leur soutien à Julien Assange. Donc, ça se passe de 14h à 20h. La motion du rassemblement, c'est « Nous, peuple d'Europe, demandons à l'UE d'exprimer son soutien à la libération de Julien Assange » et qui est signée par de nombreuses personnalités politiques et publiques, ainsi que par le public. Alors, l'ensemble musical mondialement connu Chicks on Speed donnera un concert en plein air. Il y aura des intervenants de premier ordre qui seront présents. Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture. Ögmund Jónasson, ancien ministre islandais de la Justice et des Droits de l'Homme. Stefania Morisi, journaliste italienne extrêmement impliquée dans la défense de Julian Assange et de Wikileaks. Et le docteur Deepa Driver, ICMA Center. Alors qu'ils feront entendre leur voix de l'indignation des Européens à voir Julien Assange, dont le travail journalistique est reconnu à travers le monde entier, menacé d'extradition et en danger de mort. Mais la veille au soir, il y aura également le vendredi 22 avril une conférence organisée pour encourager la participation des étudiants au rassemblement à l'Université libre de Bruxelles ULB ou au Musée des Beaux-Arts. Alors, cette conférence aura lieu, je suis à vous tout de suite. Cette conférence, voilà, aura lieu à l'Université donc libre de Bruxelles, au 50 avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles. Et donc, c'est à l'ULB, auditoire Roger Lallemand, B1 315, campus Solbosch. Europe, justice et liberté de presse, le cas de Julien Assange, avec Deepa Driver, juriste, professeur d'université et syndicaliste, et Christophe Marchand, avocat de Julien Assange à la Cour européenne des droits humains. Donc il faut s'inscrire, donc il y a un lien pour s'inscrire, c'est tinyurl, donc T-I-N-U-R-L, yurl.com/free-assange-europe. Voilà, il faut s'inscrire là. Le 23 avril 2022 à 19h, il y aura également au cinéma Vendôme, toujours dans la problématique de Julien Assange, donc une projection du documentaire « Akin Justice » de Clara López Rubio et Juan Pancorbo à propos de deux personnages extraordinaires, l'avocat espagnol Baltasar Garzón et son client Julien Assange. Il s'agit d'une nouvelle version actualisée du film. La projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice Clara Rubio, de l'observatrice juridique dans l'affaire Assange, Deepa Driver, et de l'artiste italien Davide Dormino. Voilà, en ce qui concerne Julien Assange. Alors, ensuite, le 23 avril également, il y a une rencontre-conférence avec Cédric Héroux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, peut-être que tout le monde le connaît, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Cédric Héroux est un paysan et c'est dans la vallée de la Roya, aux confins des Alpes-Maritimes, en France et de l'Italie, que le paysan sans histoire est devenu un héros pour les uns et un voyou pour les autres. Dans sa ferme, il a accueilli des milliers d'exilés voulant franchir les frontières italo-françaises, ce qui lui a valu une dizaine d'arrestations et une condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Il est alors question de délit de solidarité. Cédric ne se laisse pas faire et saisit le Conseil constitutionnel, avec comme résultat la relaxe de toutes les poursuites. Mais le paysan ne se repose pas sur ses victoires juridiques. En 2019, avec sa compagne Marion Gachet, il lance la communauté Emmaüs Roya, première communauté Emmaüs tournée vers l'agriculture. Donc voilà, donc Cédric Héroux sera le 23 avril à 19h30 à Bruxelles lors d'une rencontre-conférence pour parler de l'accueil des migrants dans notre région. Divers témoignages viendront compléter le récit de leur expérience. La rencontre-conférence sera précédée entre 17h30 et 19h30 d'un moment informel et convivial pour discuter librement et rencontrer les organisations partenaires, des militants et des militantes, en lien avec les thématiques de la soirée, et découvrir ou partager des informations sur les luttes migratoires et paysannes. Donc, ça se passe donc effectivement à l'ULB. Donc, c'est samedi 23 avril, donc à l'ULB, 17h30, 19h30, ULB, La Turbéane, avenue Paul Heger 22 à 1050 Bruxelles. Et la rencontre, ça c'est pour le moment informel et convivial. Et la rencontre-conférence avec Cédric Héroux, donc toujours le 23 avril, elle aura lieu de 19h30 à 22h à l'ULB, à l'auditoire Ferrer, H2 215, campus du Solbosch, 1050 Bruxelles. Voilà. Alors, ensuite, à Liège. Maintenant, on va sur Liège. Donc, il y a une balade, Cartographion, la surveillance à Liège. Alors, il y a un rendez-vous à 14h à Barricade, au 21 rue Pierreuse à Liège. Alors, il est dit que nous nous baladerons ensuite à travers les rues de Liège pour identifier les caméras de surveillance, publiques, privées, ANPR, mais aussi les antennes, les dispositifs publicitaires et les mobiliers urbains anti-SDF. Toutes les informations récoltées seront chargées sur OpenStreetMap et viendront compléter la cartographie en ligne du contrôle social. Alors, c'est Technopolis qui organise cette balade et c'est un collectif bruxellois qui lutte pour l'accès aux informations concernant les caméras et autres dispositifs qui épient nos vies, mouvements, habitudes et modifient ainsi nos comportements. Reconnaissance faciale, caméra, ANPR, censé reconnaître les plaques d'immatriculation, drones, etc. Donc, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur le site de la barricade.be et regarder l'agenda. Voilà. Donc, c'est de 14h à 17h. Et donc, c'est 21 rue Pierreuse à Liège. Alors, ensuite, il y aura le 25 avril dans les locaux de Capital Belgium. Et alors, Capital Belgium se situe à Antwerpslaan 40 à 1000 Bruxelles. Antwerpslaan à 1000 Bruxelles, numéro 40. Alors, chaussée d'Anvers, ça doit être. Il y a une journée d'études sur les violences policières pour des mécanismes de plainte accessibles, efficaces et indépendantes. Alors, au terme d'un travail de recherche de près d'un an, la Ligue des droits humains, LDH, et la Liga for Menschenrechten, LVM, ont déjà publié courant du mois d'avril, un rapport sur l'état des mécanismes de plainte en matière d'abus policiers en Belgique. Ce rapport, assorti d'une proposition de réforme, se veut le point de départ d'un travail de réflexion pour construire des mécanismes de plainte plus accessibles, plus efficaces et plus indépendants. Dans ce cadre, donc la LDH et la LVM invitent tout le monde à une journée de réflexion, donc ce 25 avril, de 9h à 16h30, dans les locaux de Capital Belgium. Et donc, je pense que c'est Chaussée d'Anvers, 40 à 1000 Bruxelles. Afin de pouvoir offrir une meilleure organisation, il faut... normalement, il était marqué qu'il fallait s'inscrire avant le 20 avril. Mais le 20 avril, c'est aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il faut vous dépêcher pour vous inscrire demain. Voilà. Vous pouvez tout voir aussi sur le site de la Ligue des droits humains. Alors, le 25 avril également... Ça, c'est le 25 avril. Oui, le 26 avril également. Angela Davis vient à Bruxelles faire une conversation avec la jeunesse bruxelloise, adolescents et étudiants, artistes, société civile, à propos de l'engagement politique et social en 2020 qui résonne au-delà des continents et des générations. La conférence sera en anglais, avec une traduction simultanée en français. Il y aura une modération de Safia Kessas, journaliste et réalisatrice de Grenade. Alors, vous pouvez... Donc, ça se passera... Il était prévu que ça se passe au Théâtre National au début, mais finalement, vu l'endroit un peu étriqué du Théâtre National pour recevoir Angela Davis, finalement, ça va se passer au Cirque Royal. Et c'est à 20h30. Voilà. Alors, ça, c'est pour le 25. Alors, le 25 avril également, donc comme tous les lundis, de 14h à 17h30, il y aura la permanence squat à l'assaut du vide. Donc, c'était au Burtwinkel, 13 place Anne-Essence à 1000 Bruxelles. Alors, c'est sur les squats, sur les loyers, sur les logements, sur l'habitat, enfin bon, plein de choses, sur le mal logé. Voilà, donc c'est tous les lundis de 14h30 à 17h30 au Burtwinkel. Alors, ensuite, le 26 avril à 19h, également à l'ULB, sur le campus Solbosch, alors UB5 230, donc c'est à 19h. Alors, donc, c'est une conférence qui traite des stages étudiants qui ne sont pas rémunérés. Donc, les étudiants se retrouvent dans la plupart des cursus de l'enseignement supérieur et demandent un investissement considérable de la part des étudiants et des étudiantes. Ces stages ne sont pas rémunérés et constituent une forme de travail gratuit, alors même que les étudiants et les étudiantes font face à des conditions de vie de plus en plus précaires. Et alors au Québec, des étudiants et des étudiantes se sont mobilisés de 2017 à 2019 autour de la revendication d'une rémunération de l'ensemble des stagiaires, notamment au sein des CUT, Comité unitaire sur le travail étudiant. Elles ont réussi à organiser de nombreuses grèves, rassemblant parfois 40 000 à 60 000 étudiants ou étudiantes. Ainsi, plus de 40 000 étudiantes se sont mises en grève en 2018 pour revendiquer la rémunération des stages dans les champs d'études traditionnellement féminins, travail social, enseignement, etc., avec pour objectif plus large de faire reconnaître les études comme un travail intellectuel méritant un salaire et des conditions convenables. Et c'est dans ce cadre que Annabelle Berthiaume a été invitée. Elle est professeure en travail social et coéditrice du livre « Grève des stages, grève des femmes », Anthologie d'une lutte féministe pour un salaire étudiant 2016-2019. Donc la conférence est gratuite, les boissons à prix libre. Elle durera environ une heure. Et puis il y aura ensuite une heure afin d'écouter les questions et de discuter. Voilà, donc c'est le 26 avril 19h, l'ULB Campus Solbosch. Voilà. Et alors... Pour terminer, le 27 avril à la librairie Météor, rue Blas 207, une discussion aura lieu autour de l'ouvrage de Carlos Marigella, Gella, Praxis de la guérilla urbaine, T. Derbent et Ron Augustin seront présents pour discuter l'ouvrage dans sa réception historique et ses lectures contemporaines. Alors, Carlos Marighella, principal fondateur de la guérilla brésilienne ALN, Action de Libération Nationale, après avoir été pendant 35 ans un des dirigeants du PC brésilien, paya de sa vie son engagement radical, longtemps méconnu en dehors de l'Amérique latine, jusqu'à la publication de son manuel de la guérilla urbaine. Il lègue pourtant un apport théorique conséquent pour penser une stratégie politique et militaire adaptée aux centres urbains. Voilà, donc c'est le mercredi 27 avril, c'est de 17h à 20h. Donc, librairie Météore, rue Blas. Merci, bonne soirée, au revoir.